air canadien, rêve américain dans ma mémoire. Tu es encore là, venir canadien. J'ai envie d'or dans ma mémoire, tu chantes encore. J'ai envie d'or, j'adore mon pays, mais de tes gens, j'ai gardé l'amitié. D'accueil chaleureux de leur feu de cheminée, qui sentent si bon des Noëls enneigés. Géant du Nord, chantons encore le bruit des pas sur le plancher de tes cabanes à sucre. Je m'aime balader, souvenir canadien, laisse-moi encore rêver. Toi dans ma mémoire, géant du Nord, tu es toujours là, et tu chantes encore. Souvenir canadien, géant du Nord, pour moi tu resteras toujours mon Canada. Souvenir canadien, géant du Nord, pour moi tu resteras toujours mon Canada. Souvenir canadien, géant du Nord, pour moi tu resteras toujours mon Canada. Moi, tu resteras toujours mon Canada. Allez.